Mon cher Jean-Paul, qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau avec les abeilles dedans? Ah, alors là, il faut, non, généralement, il faut dire à Maurice, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Un chou marin russe. Non. Alors, qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau avec des abeilles dedans? D'accord, oui. Ça y est. Ok, je l'ai, vas-y. Un chou marin russe. Non. Parce que les abeilles, elles habitent dans une ruche. Une ruche. Oui. Donc, allez, alors, recommence. Allez. Mon cher Jean-Paul, non, etc. Jean-Paul, machin, vas-y, allez, allez, hop. Allez, Maurice. Alors, qu'est-ce que de Léon de Toulouse, mon cher Jean-Paul, oui. Qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau et avec des abeilles dedans? Je ne sais pas, Maurice. Un sous-marin ruche.